croisent mais qui ne se connaissent pas forcément vont vivre un événement commun qui va être déclencheur de quelque chose. Oui, c'est ça. En fait, ce que je voulais mettre en scène, c'est le fait que même les gens pleins de bons sentiments sont générateurs de violence. Et j'espère qu'on le voit dans la pièce, c'est-à-dire que il y a plein de gens qui veulent le bien des autres, mais qui par une petite action ou par une parole vont entrer dans un cycle de violence et qui trouvent son apothéose dans cet attentat dont la pièce porte le titre et qui relie tous les personnages. Une histoire qui est découpée en 5 actes. Au départ, vous, quand vous avez écrit ce texte, vous l'aviez dédié au niveau de l'écriture pour le théâtre. Oui, en fait, j'ai écrit. C'est la première pièce de théâtre que j'ai écrite. Avant, j'avais écrit des scénarios, mais qui n'ont pas abouti. Mais donc j'étais un peu débutante dans l'écriture de pièces de théâtre, je ne savais pas tellement comment faire, donc j'ai eu la chance d'être accompagnée par un mot découvert. On me dit souvent que mon écriture est très visuelle, cinématographique. C'est peut-être parce que c'est ma première pièce de théâtre et que je débute. Je ne sais pas tellement comment les autres auteurs se débrouillent et écrivent leurs textes. Voilà. Je crois que dans la présentation de votre texte, vous avez dit ou écrit la chose suivante. Ces histoires rappellent la trame narrative des cadavres exquis auxquels s'adonnaient les surréalistes. C'est ce qui a nourri votre écriture ? Oui, c'est le dispositif dont je suis partie. C'est-à-dire que j'avais une idée générale qui était la violence et les rapports de pouvoir qui sont créés par le langage. Et ensuite, pour le mettre en scène, j'ai choisi comme dispositif d'imbriquer en fait plusieurs histoires les unes avec les autres. Et le fait qu'en fait chaque histoire se termine, donc il y a 7 séquences, comme vous avez dit, chaque séquence se termine par une phrase qui est reprise dans la séquence suivante, mais dans un contexte complètement différent. Voilà. Donc, c'était le fil qui cousait toutes les histoires ensemble. Et ça m'a fait penser au cadavre exquis. Oui, une forme de puzzle qui, une fois les morceaux assemblés, donne un portrait collectif de cette petite société. Oui, parce que l'histoire ne se passe pas dans l'ordre chronologique. Donc, c'est un choix délibéré pour rendre le spectateur actif, en fait, pour pas qu'il suive la pièce d'une façon passive, mais qu'il soit un peu acteur et qu'il essaye de lui-même, au fur et à mesure que la pièce se déroule, de réassembler toutes les pièces du puzzle. Votre texte a été retenu donc par un comité de lecture ici à Cergy-Pontoise pour, on va dire, en prélude à cette 3e édition du Théâtre du Présence, une occasion de sélectionner des textes pour interroger la place du texte dans la création contemporaine. Vous, auteur d'un texte comme celui-ci, j'imagine que c'est une belle opportunité, c'est une opportunité un peu rare d'ailleurs entre le monde du théâtre et celui de l'écriture. Ah oui, moi je suis très heureuse, notamment parce qu'il y a une rencontre à l'échange de ces lectures. Donc je suis impatiente de rencontrer le public, d'avoir de répondre à ses questions, de voir quelles sont ses interrogations, ses doutes, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et oui, en tout cas, je commence ma carrière d'auteur, mais j'ai l'impression que c'est assez rare, oui, ce genre d'opportunité. Oui. En plus, peut-être la possibilité que ce texte devienne lauréat à la fin de ces 2 journées de rendez-vous d'auteurs des 28 et 29 novembre. Si ce texte est choisi, effectivement, et où les spectateurs vont voter, car il y a un vote qui va être organisé à cette occasion, votre texte pourrait devenir, pour être mis en scène au cours d'une prochaine saison. Ça, c'est un rendez-vous intéressant, j'imagine, pour un auteur. Bah oui, surtout pour un jeune auteur. Moi, j'ai aucune pièce qui a été montée, donc ce serait vraiment formidable. Après, je connais pas les autres textes et ils sont peut-être beaucoup plus méritants. Mais en tout cas, quel que soit le texte qui gagne, c'est quand même une opportunité incroyable de pouvoir avoir un texte mis en scène et joué alors qu'il y a des coûts financiers quand même importants. La rencontre avec des lecteurs, car il y aura des lecteurs parmi les spectateurs, c'est quelque chose qui est stimulant aussi pour un auteur. Oui, tout à fait. Déjà, l'écriture, c'est quelque chose de très solitaire. Donc, c'est peut-être la seule occasion qu'on ait de rencontrer les gens par son travail et d'avoir des retours sur ce qu'on fait. Donc, c'est toujours stimulant, c'est riche, c'est gratifiant parfois quand les lecteurs ont aimé. Donc, oui, je me réjouis d'être là et de les entendre et de voir ce qu'ils ont apprécié ou pas. Eh bien, rendez-vous est pris pour vous pour ce week-end du 28 et 29 novembre prochain, avec non seulement la présentation et on va dire une lecture, je crois, partielle de ce texte par un comédien professionnel, et vous participerez également dans la suite à une rencontre débat avec les différents auteurs qui participent à cette rencontre. Merci à vous, Anaïs de Clercq. Ah ben merci infiniment à vous de m'avoir accordé du temps. Merci. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu un truc bizarre? Si. Qu'est-ce que c'est? C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis, s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La la la la. La la la la la la la. La la la la. La la la la. La la la la la la. Dis donc. La la la la la quoi? Oh, tu sens pas le brûlé? Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion. Oui. Et l'agitation moléculaire due à cette explosion. La quoi? L'agitation moléculaire. Ah ouais. Provoque une élévation thermique, ouais, suffisante pour enflammer les matières environnantes. Ouais, ouais. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Ah. Tu comprends? La la la la la la. Mais alors... la la. La la la la. La la la la. La la la la la. La la la la la. La la la la. Qu'est-ce que tu voulais? La la la la la. Non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça? Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends? Oui. C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs. Ouais. Alors le feu s'empare très facilement des matières. Ouais. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. Ah, un c'est incendie. Normal. Ouais, ouais, ouais. Ouais. La la la la la la la la. La la la la. La la la la. La la la la la la. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Présentation qui va nous être faite par Elisabeth Boss, qui est en charge de la programmation jeune public ou public jeune. Je ne sais quelle formulation utiliser, Elisabeth. Public jeune ou jeune public? Un peu des deux. Un peu des deux. Un peu des deux. Une présentation jeune public qui est riche, effectivement, à l'apostrophe pour les prochaines semaines et les prochains mois à venir, dans des thématiques, dans des styles, des esthétiques très différentes, et tout ça destiné aux plus jeunes. Alors, ça peut être aux, les plus jeunes, c'est-à-dire les très, très, très jeunes, les enfants, hein, voire les, la petite enfance, non? Cette année, non, pas la petite enfance, c'est à partir de 7-8 ans. D'accord, jusqu'aux adolescents, jusqu'aux grands adolescents même. Grands adolescents et même au-delà. Au-delà. Commençons par le premier, c'est le spectacle qui aura lieu au mois de décembre prochain, c'est Stéréoscopia de Vincent Dupont, un spectacle là destiné aux enfants à partir de 9 ans. Au départ, c'est une pièce chorégraphique, c'est bien ça? Oui, alors pièce chorégraphique, c'est peut-être un peu réducteur. C'est une pièce chorégraphique, mais pas que. Vincent Dupont s'est inspiré de la stéréoscopie. Donc, c'est nourri, en fait. Il a puisé dans un tableau, une toile de maître du XVIIe. Et donc, il a essayé de recomposer ça de manière vivante ou vivace. Donc, essayer de voir comment, d'une image qui serait différente pour notre œil gauche ou notre œil droit, naîtrait en quelque sorte une troisième image. Et dans cette image, il insuffle en plus une dimension sonore, puisque chaque spectateur vit concrètement ce spectacle comme une expérience, en observant de ses deux yeux et en même temps en écoutant de ses deux oreilles. Une manière de travailler sur une nouvelle perception des choses ? C'est un peu son idée, oui. Comme si, finalement, interroger ce lien entre le corps, la voix, les respirations pouvait ouvrir une troisième voie, un nouveau champ de perception, qui serait en quelque sorte une manière d'interroger aussi, pourquoi pas, le rapport du spectateur à l'objet mis sur un plateau. Alors, le peintre, c'est le peintre florentin Jacopo Cimenti, c'est ça ? Oui, c'est ça. Hein, merci, c'est l'hommage rendu à ce peintre. Et donc, effectivement, c'est une manière d'intégrer à travers une discipline artistique un regard sur l'art en général aussi. C'est ça. Il faut savoir, pour la petite histoire, que Vincent Nupon n'est pas un chorégraphe ou un artiste qui a l'habitude de travailler pour le jeune public. Donc, ce spectacle-là répondait à une commande d'un réseau européen qui s'appelle Bambou. Et il a eu la même exigence que pour un spectacle sur lequel il a l'habitude de travailler. Peut-être une espèce d'attention particulière sur un temps donné, un temps d'attention que l'on distingue chez les plus jeunes spectateurs. Mais c'est tout. Après, c'est le même processus, les mêmes questionnements, les mêmes enjeux qui le traversent quand il compose une pièce tout public. À voir les 17, 18 décembre à 10h et 14h30 et le samedi 19 décembre à 17h, un horaire qui permet de venir en famille, c'est ça ? C'est ça. Toute l'année, les spectacles le samedi à 17h pour le public jeune. L'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre. Autre proposition, là c'est pour les plus grands, à partir de 13 ans. Un auteur qui écrit avec les mots des jeunes, Lettre de l'intérieur de John Martson sur une mise en scène de Marie Duplex. C'est ça. Alors là, c'est un spectacle que j'ai découvert la saison passée. Et je l'ai vu lors d'une séance scolaire avec beaucoup d'adolescents. Et les adolescents sont très vivants. Et il y avait une attention qui pouvait presque relever de la tension dans la salle. Il y avait une espèce d'accroche avec ces deux comédiennes au plateau qui nous racontent cette histoire d'adolescence, de mensonges, de duperies, de ce qu'il faut être pour tenter de devenir quelque chose, ce rapport aux mensonges, à tous les codes en fait de la société, jusqu'à une vérité que l'on ne soupçonne pas et qui se fait jour et qui est assez brutale. Un spectacle qui traite de la violence, du thème de la violence, qui passe par l'intime, par la confidence. Donc effectivement, ça va au plus profond de chacun, de chaque spectateur. Oui, et ce qui me plaisait aussi quand même dans cette pièce, c'est que... donc là, on est au plateau. Mais en fait, ce sont deux univers parallèles, deux personnages féminins, deux jeunes filles. Donc c'est Tracy et Mandy. L'une est dans une prison, l'autre vit dans une petite maison de banlieue. Et en fait, elles décident de correspondre. Donc tout se passe par la correspondance. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, l'idée de prendre sa plume pour envoyer un courrier à quelqu'un, ça paraît un peu désuet. Et là, en fait, on y revient et ça dit beaucoup de nous et ça résonne beaucoup, je crois, en chacun de nous. Lettre de l'intérieur à découvrir, donc pour les enfants, les adolescents à partir de 13 ans et en famille, jeudi 7 janvier 14h30, 19h30, le vendredi 8 janvier 14h30 au Théâtre des Arts, donc Cergy Centre, toujours à l'affiche de l'apostrophe. Poursuivons, autre approche, autre proposition, Starring Girl, la fille qui fixait, un spectacle présenté dans le cadre de Périphérique, le Festival des Arts Mêlés, par la compagnie Zonzo Compagnie, un spectacle qui nous propose une rencontre entre musique et vidéo. C'est un raccourci suffisant ? C'est pas mal. C'est un peu ça. En fait, on pourrait rajouter que l'univers onirique est issu des poèmes de Tim Burton. L'univers de Tim Burton, quoi. Oui. Mmh. Et ça a été traduit, en fait, par une cinéaste qui s'appelle Nathalie Terlinck, qui a été primée au Festival de Berlin, qui a traduit en fait ces histoires de l'enfant poisson, entre autres. Et donc, il y a des écrans vidéo qui projettent ces images, où on voit des jeunes gens dans l'eau, qui évoluent dans l'eau, des gros plans sur des yeux maquillés un petit peu étrangement. Et puis, il y a cette musique qui nous arrive et on est un petit peu emporté, l'air de rien. Voilà, c'est une vague qui arrive, qui nous submerge et on part, on voyage. Un concert illustré qui raconte à la fois en musique et en images cet univers, des petits contes qui mettent en scène des enfants excentriques qui ont toujours été mis de côté. Exactement. Ça nous donne envie de pousser la curiosité et surtout de pousser la porte de l'apostrophe. Là encore, c'est au Théâtre des Arts le jeudi 18 et vendredi 19 février à 10h et 14h30. Jauge de 300 places, c'est limité en termes de public là, parce que pour voyager avec ce concert illustré, ça nécessite nécessite un dispositif particulier ? Ça pourrait, mais là, on est dans une configuration au Théâtre des Arts qui ne nécessite pas de modification de jauge. Ou... D'accord. Également, à voir le samedi 20 février à 17h, l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre. Cupidon est malade, une belle rêverie autour du songe d'une nuit d'été de Shakespeare sur un texte de Pauline Salle, ou Salais, c'est ça, Salle ? Pauline Salle. Salle, sur une mise en scène de Jean Bellorini, spectacle destiné aux enfants à partir de 8 ans, du théâtre. Ah, du théâtre. C'est une histoire triangulaire, puisqu'en fait, cette pièce a vu le jour suite à une commande de Fabrice Melchiot. Donc commande de réécriture d'un texte du Songe d'une nuit d'été à Pauline Salle, qui s'est prêté à l'exercice avec Cupidon est malade. Et enfin, le troisième artiste est arrivé dans ce triangle, Jean Bellorini, qui signe ici sa première mise en scène pour le jeune public. Ça sera au mois de mars, on aura l'occasion certainement d'ici là d'en reparler, vendredi 25 mars, deux séances, 10h-14h30, et le samedi 26 mars à 17h, Théâtre des Louvrais, cette fois-ci à l'apostrophe Théâtre des Louvrais à Pontoise. En classe, là ça s'inscrit dans le cadre d'un événement départemental qui a pour nom Escaldance en Val d'Oise, donc je suppose qu'on est dans une proposition chorégraphique. Proposition chorégraphique un petit peu singulière puisqu'elle ne se passe pas sur un plateau et elle se passe même dans un endroit assez atypique, en tout cas pour nous organisateurs de spectacle, puisque là il s'agit de la salle de classe. Mais vraiment la salle d'école ? La salle de classe, la salle d'école telle qu'on la connaît, avec les chaises, les tables, le tableau noir, le porte-manteau, tout y est. Et c'est conçu pour des enfants des classes de cours élémentaires première année jusqu'à la sixième ? C'est ça, c'est à peu près la tranche d'âge choisie pour cet objet spectaculaire qui est encore une fois de l'ordre de l'expérience, puisque chaque enfant va appréhender sa salle de classe d'une autre manière. Et à l'issue de cette expérience, parce que lui-même il aura transformé sa salle de classe par son corps et par sa manière de se mouvoir dans cette salle de classe, ça deviendra tout d'un coup un nouveau champ de possibles. Les enfants sont invités à être des performeurs ? C'est ça, en quelque sorte. En fait, ils sont avec un casque, ils sont à leur place, voilà, comme le début d'une salle de classe normale. Évidemment, tout se passe dans le silence, donc on n'entend rien du tout. Et en fait, chaque enfant va passer dans trois groupes. D'abord, il va être chorégraphe, ensuite il va être scénographe, et enfin, il est interprète. Donc, il va évoluer dans la salle de classe, et à la fin, il y a une espèce de circulation des jeunes gens avec des bandes qui défilent et qui habillent leur classe avec la maîtresse ou le maître qui joue le jeu aussi au milieu de cette salle de classe. Et il y a un espèce de nouveau chapiteau qui est dressé comme ça dans la classe et les enfants à la fin apprécient de voir cette salle de classe tout d'un coup de manière totalement différente. En classe par Julie Nioche, chorégraphe et danseuse, dans le cadre d'Escaldance en Val d'Oise. Ça sera présenté en établissement scolaire, comme il vient d'être dit, à Cergy-Pontoise, mais également sur la commune de Gonesse. Garges-lès-Gonesse, attention, oui, c'est deux villes différentes, voisines certes, Garges-lès-Gonesse du 4 au 15 avril à Cergy-Pontoise et Garges-lès-Gonesse donc pour l'année 2016. Nous allons finir rapidement avec Roméo et Juliette par le groupe Grenade sur une mise en scène de Josette Baïz de la danse, là encore, une pièce musicale et chorégraphique. J'ai lu qu'à sa création, c'était présenté et proposé par 80 musiciens et 70 danseurs. Est-ce qu'il en sera de même à Cergy-Pontoise ? Pas totalement. Là, nous n'avons que la version chorégraphique. Donc, il y a plus d'une vingtaine d'interprètes au plateau, des jeunes gens de 6 à 18 ans qui dansent et qui interprètent plusieurs Roméo et plusieurs Juliette. Parce qu'ils sont dans l'âge de Roméo et Juliette dans l'histoire originelle. C'était ça, c'était l'idée de Josette Baïz. Elle voulait un peu travailler sur ce sentiment de fulgurance, en fait, lié à la jeunesse, à l'adolescence, à la préadolescence, et puis l'espèce de... d'effervescence des sentiments parfois. Voilà, donc elle a voulu traduire tout ça et le fait de multiplier ces Juliette ou ces Roméo, ben ça pouvait donner une palette de couleurs assez significative. Mettre en évidence à la fois l'insouciance mais également la violence qui est propre à cette période adolescente, tout ça à découvrir avec Roméo et Juliette les 4 et 5 juin, non, les 3 et 4 juin 2016, le 3 juin à 14h30, le 4 juin à 17h à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. Voilà qui est dit. Nous en arrivons à la conclusion d'Ardar de cette émission, non sans remercier tous ceux et celles qui ont participé. Pour information et pour toute réservation concernant les spectacles qui vous ont été annoncés, présentés à l'occasion de cette émission, je vous renvoie vers la programmation de l'apostrophe. Sur internet au www.l'apostrophe.net, par téléphone au 01 34 20 14 14, tranquillement, 01 34 20 14 14. Remerciements à tous nos invités, ainsi qu'à Arnaud Vasseur, qui m'a aidé à préparer cette émission. Non, ne l'oublie pas, il est là dans l'ombre, mais il travaille d'arrache-pied, mois après mois, pour que cette émission soit toujours la meilleure possible. Damien Gissa, qui la réalise sur le plan technique, merci également à lui. Cette émission, animée par votre serviteur et animateur José Guérin, sera rediffusé ce prochain samedi 14 novembre de 9h à 10h du matin sur RGB, sur 99.2 FM, ainsi que sur radio-rgb.net, puis disponible en podcast sur le même site internet. Pour le prochain rendez-vous de l'apostrophe, l'émission, rendez-vous est pris pour le mercredi 9 décembre. On ne sera pas très loin de Noël, mais il faudra nous écouter, nous retrouver le mois prochain, le 9 décembre, de 19 à 20h. D'ici là, au plaisir de vous retrouver à l'apostrophe, à Cergy-Pontoise, mais également sur votre radio locale RGB. À bientôt. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2.